C'est même pasteur là. Oui. Donc elle a me parlé maintenant avant que ça te revienne. Oui. Dieu m'avait dit trois fois, trois reprises, c'est-à-dire jour pour jour. Oui. Trois jours de suite. Donc ça veut dire que chaque jour, c'est le prochain jour, voilà. Le prochain, même chose. Même chose. Oui. Dieu me dit, va dire au passé de Shekinah de se repentir. Oui. Shekinah se situe où ici au Gabon à l'époque? En fait, en ce temps, ils étaient encore derrière l'hôpital. Le docteur général, ils étaient. Oui, ils ont pas souvent lâché la connexion là. Oui. Quelque part. Oui. Ils ont construit notre fille de Sidéra Pédiatrie. Oui. En fait, je suis allé là-bas, je voulais le voir. Mm. Mais il y a, j'ai trouvé certaines personnes qui insistaient que je leur dise le pourquoi je veux le voir. Oui. Quand tu dois d'abord dire ça ici. Oui, je dois d'abord, il fallait passer par un secrétariat, il fallait. J'ai dit non, je veux le voir en personne. En personne. Ce que j'ai à lui dire, oui. C'est en personne, face oui. à face. Oui. Ils ont refusé. Si tu ne nous dis pas le pourquoi tu veux le voir, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Oui. En fait, je suis resté là assis. Oui. Depuis peut-être 7 heures que je suis arrivé, oui. Je suis resté là assis. Quand il est arrivé, il descend de la voiture. Oui. Quand je vais vers lui, on me stoppe. Le gars de quoi vient te bloquer? Oui, on me bloque. Mais ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas. Mm-hmm. C'est et lui, il voyait ça. Comment on te bloquait? Bon, je ne sais pas s'il... Si, ils sont la sécurité. Ils sont la sécurité. Mais quand tu viens vers lui, on te bloque là, il voit comment on te bloque. Il voit, mais je ne sais pas si lui... Je ne sais pas, je ne vois pas là. Je ne sais pas comment il... Bon, non, il vous a vu. Je l'ai vu descendre de la voiture. Donc tu as vu comment tu bloques, comment tu as longtemps empêché. Oui, j'ai dit à ces gens-là depuis le matin que c'est lui que je veux voir. Mm-hmm. Donc je suis resté là, je ne sais pas si pendant que je suis là, il suivait mes gestes ou quoi. Mm-hmm. Donc quand je vais vers lui, on me bloque. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il ouvre son bureau, il entre. Mm-hmm. Il ouvre son bureau, il entre. Donc je suis parti là, en fait, j'avais ce poids-là sur le cœur. Mm-hmm. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu le rencontrer. Finalement, je suis resté. Même son numéro, il n'a même pas son numéro. Non, vous avez encore son numéro. Pasteur, son numéro. Oui. Quand vous appelez, vous tombez sur le secrétaire. Vous dites que parce que le pasteur veut lui parler. Non, elle ne peut pas. C'est pas comme ça. Vous donnez même votre téléphone pour donner le motif. Voilà, c'est le proche collaborateur. Je suis sur toutes les églises du Gabon. Notamment, il m'a beaucoup plus parlé de ces grands pasteurs qui sont dans la République gabonaise où tout le monde connaît. Oui. Dieu a commencé à me citer. En fait, dans la vision, c'est comme si je parlais avec Lucifer. Oui. Il me dit dans la vision que je vais te poser une question. Si tu me donnes ton oui, je te donne un numéro de téléphone. Demain matin, tu te présentes à la présidence, on te reçoit. Oui. Je lui dis, tu me posais quelle question? Il me dit, tu me donnes ton oui. Deux, je te donne le numéro de téléphone tout de suite. Il était 3h du matin. Oui. Demain matin, à 7h, tu te présentes à la, tu vas à la présence de l'histoire. Oui. Je lui ai dit non. Parce que ta question, et piège. Je connais déjà. Oui. Ce que tu veux là, mmh. Je ne peux pas te donner. Il me dit, tu es un enfant. Que tu es un enfant. Il me dit, tu es un enfant. Tu es un enfant. Il me dit, oui. Mais tu m'appelles enfant parce que tu me regardes avec les yeux charnels. Mm. Avec les yeux spirituels, tu sais très bien que je suis même au-delà de ce, au-dessus de ce que tu imagines. Mm. Après, comment ça s'est fait la tête? Il me dit, non, tu es intelligent. Il me dit, tu connais tel pasteur? Je dis, oui. Il me dit, tu connais le pasteur de Nazareth? Je dis, oui. Nazareth, c'est quoi? C'est une église de domination. Oui. Et tu connais le pasteur de Nazareth? Je dis, oui. Tu connais le pasteur de Shekinah? Je dis, oui. Il dit, tu connais... L'autre qui s'appelle comment? Alliance. Je ne connais pas le, tous les noms des églises. Oui. En fait, que ce soit l'Alliance chrétienne, que ce soit toutes ces églises-là. Oui. Les plus connues. Les plus connues, tous les grands pasteurs les plus connus là. Oui. Ah. J'ai dit, mais c'est quelle histoire? Il me dit, non, tous ces pasteurs-là, plus précisément, il fait un briefing sur le pasteur de Nazareth. Mm-hmm. Il me dit, toutes les personnes qui prient à l'église de Nazareth sont réservées pour l'enfer. C'est terrible, hein? Il me dit qu'il n'y a personne qui part à Nazareth qui va s'en sortir. Qui va échapper. J'ai dit, Seigneur. Donc celui-là a l'onction spéciale de lui pour amener les gens à l'enfer. Il dit, celui-là a une notion. Il dit, tous ceux qui prient à Nazareth sont réservés pour l'enfer. Là, il n'y a rien à faire. Donc c'est très grave ici, d'abord, comme ça. Ici, il me dit, celui de Shekinah. Oui. Écoutez, Shekinah, monsieur Shekinah. Celui de Shekinah est né avec une sorcellerie que son père lui a donnée. Amen. Amen. Mais c'est moi qui ai amplifié ça. Amplifié. Vous avez votre pasteur, vous avez juste son assistant. Attends, attends, il finit, ils avaient un test, nous on arrive. Parce que les assistants pasteurs chez Dina. Il me dit, c'est moi qui lui ai donné la haute sorcellerie. En fait, c'est moi qui l'a initié dans la haute sorcellerie. Oui. Et puis je te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plusieurs choses. Que tu vas attends, donc, depuis qu'il comprend bien, depuis c'est ça le bruit, tu es assis devant moi avec les choses dans ton ventre comme ça. En fait, après ça, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas raconter parce que. Non, tu ferais mieux de raconter maintenant. Non, c'est la peur, non. Tu as peur? Non. On t'a convaincu que ça sort, hein? Moi, je parle. La Bible déclare qu'il faut dénoncer les œuvres infiltrées de ténèbres, les condamner. Parce qu'il y a des âmes qui sont à l'intérieur là-bas, qui sont tenues captives et qui sortent. Alors, je parle. En fait, pour commencer bien l'histoire, oui. J'avais un problème, l'histoire de la voiture que je vous disais que j'avais acheté. Oui. J'avais l'histoire de cette voiture-là que le propriétaire, en fait le vendeur, celui qui m'avait vendu la voiture, a manigancé avec le président du tribunal du premier instant de Libreville, ils ont récupéré la voiture. Oui. Donc j'ai fait un recours au tribunal. Oui. Et on me demandait de prendre un avocat. Oui. J'ai dit ce jour, en tout cas, moi je n'ai pas besoin de prendre un avocat. Oui. La sentence qui va tomber, en tout cas, je respecte. Oui. C'est comme ça que le procès devait avoir le verdict, c'était un 8 octobre, quelque chose comme ça. Oui. Je rentre à la maison, en fait j'ai passé, comme on était dans les dénominations, j'ai passé toute la journée là-bas. À 20h, j'ai dit, il faudrait que je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je n'ai pas de paix. J'ai dit à ma femme, mais depuis que je suis rentré à la maison, je n'ai pas de paix. C'est comme si Dieu voudrait que je rentre au tribunal encore, ou bien. À l'église. Oui. Bon, on appelait l'église. Mmh. C'est comme si Dieu me demandait toujours de rentrer là-bas. Ah. Il est 22h. Je vais encore repartir là-bas, faire que pourtant, Dieu me dit, je pars. Donc, quand j'arrive, je trouve le pasteur. Le pasteur là, je me dis, Seigneur, pourquoi je viens encore ici? Je suis resté là. J'ai commencé à lire la Bible. C'est comme ça que, comme le pasteur n'est pas loin de là. Là où il habite. Là où il habite, le pasteur n'est pas loin de là. C'est-à-dire que Là, sa dépendance. Voilà. Il a l'indépendance. Le bâtiment est sur le même terrain que son habitation. Mmh. Je suis resté à l'église. J'ai commencé à dormir, j'ai mis la nappe au sol, j'ai commencé à dormir. C'est comme ça, il fait 3h du matin, je n'avais plus sommeil. Je veux forcer de dormir, le sommeil ne vient pas. J'entends mon cogne à la porte. Le pasteur dit, c'est moi. Il dit, je veux qu'on prie. J'ai dit, il n'y a pas de séjour, derrière dans la porte. Il rentre dans la salle. On se met tous à genoux. On se met à prier. Ce qui est curieux, c'est que je connais quand même sa voix. Je connais comment il parle. Et tout de suite, je me rends compte que la voix qui sort de lui n'est pas sa voix. C'est comme ça que j'ouvre les yeux. Et je dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, je vais te faire voir quelque chose. Et directement, la voix qui sort de lui, c'est la voix du feu président. Le feu président Omar Bongo. Oui. Qui commence à parler. Oui. Il commence d'abord par me représenter le Gabon. Oui. Il me dit. Là, c'est fils de c'est pas dans le rêve. C'est pas dans le rêve. 23h du matin, je suis avec le frère, à deux. C'est comme ça que j'appelle sa fille. Oui. Je lui dis, viens, prends un cahier ami. Oui. Sa fille prend un cahier ami. Parce que celui-là continue à parler, là, ça t'a intrigué. Oui, ça va. Tu es allé appeler sa fille. J'ai appelé sa fille parce que, en fait. L'église est collée avec la maison. Donc c'est contigu à la maison. Quand vous parlez à l'église, à l'intérieur, l'écoute. Oui. J'ai donc appelé sa fille. Tu es étant sur place, tu as appelé à l'intérieur. Oui, en étant okay. J'ai appelé sa fille. Elle est venue donc avec un bigain caille. Oui. C'est comme ça que. Il commence à. Mais malgré que tu as appelé sa fille comme ça, malgré que tu as appelé sa fille comme ça, ça ne l'a pas interrompu, ça ne l'a pas déconcentré. Non. Oui. Et là, tu avais les yeux. J'avais les yeux ouverts. Et lui-même, il était comment? En fait, je ne sais pas si il était conscient ou si c'était comment, je ne sais pas. Oui. Mais c'est la voix de Omar Bongo qui sortait. Ce qui m'intéressait, c'est ce qu'il disait. En fait, il m'a d'abord représenté le Gabon. Oui. Il me dit, le Gabon est comme un bateau oui. sur la mer. Oui. Le Gabon, en principe, a 12 portiques. Oui. Vous comprenez? Oui. Il me dit, le Gabon est un pays, est représenté comme un pays, comme un bateau qui est sur l'eau, et ça a 12 portiques. Oui. Et il commence à me dire, il y a une alliance oui. que moi, j'ai faite avec les Européens. Oui. Il me cite les Américains. Oui. Il me cite les Français. Il me cite les Anglais. Oui. Il me cite. Il me dit qu'ils ont fait certaines alliances. Oui. Au point où ils ont fermé tous les portiques du Gabon. Oui. C'est-à-dire les 12 portiques que Dieu a créées oui. sur le Gabon. Ils ont fermé toutes ces portiques. Ils ont laissé au Gabon une seule portique. C'est-à-dire voilà pourquoi au Gabon il n'y a qu'une seule entrée, une seule sortie. Oui. Donc tout était fermé. Oui. Et non seulement tout est fermé. Et ça, c'est la voie de l'homme sorti. Lui qui est en train de sortir. Mmh. Et puis ils ont renversé le bateau. Oui. D'où tous les Gabonais réfléchissent à l'envers. À l'envers. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi lorsque les Gabonais se lèvent pour revendiquer quelque chose? Oui. Et il suffit que ceux qui sont à la tête, quand on les ferme la bouche, tout le monde au sort. Exactement lorsque vous regardez sur le plan physique, oui. c'est ce qui se passe. Il me raconte, commence à raconter. Il me dit, on a renversé le Gabon. Oui. Il me dit, le Gabon est un pays que Dieu a véritablement béni. Oui. Mais nous avons tout, en fait, dans le plan mystique, oui. ils ont tout fermé, ils ont renversé tout. Oui. Donc ce qui fait que le Gabon aujourd'hui n'est véritablement pas ce que Dieu voulait que le Gabon soit. Oui. Donc c'est comme le gobelet qu'on a tourné comme ça. Le gobelet qu'on a tourné. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur ne savent plus comment sortir, mm-hmm. ceux qui sont dehors ne savent plus comment entrer. Mm-hmm. Et véritablement, je suis resté, je dis, mais c'est pas possible. Et c'est la voix du feu président qui parlait. Mmh. Après la voix du feu président, c'était Lucifer lui-même. Oui, qui parlait au travers de ses pasteurs. Oui, en fait, la voix du président est passée. Oui. La voix qui parlait maintenant, il me dit, je suis Lucifer moi-même. C'est terrible, là, maintenant. Je suis Lucifer moi-même. En fait, tu voulais garder tout ça dans ton ventre. Tu gardais ça dans ton ventre pour faire quoi là? Continue de me parler maintenant. En fait, il me dit, je suis Lucifer moi-même. Oui. Il me dit, tu vois, alors il commence maintenant à me parler des hautes personnalités du monde. Oui. Il me dit, tu vois la reine Elisabeth, j'ai dit oui. Là, sa fille, la fille du pasteur est là. Elle écrit. Oui. Elle écrit. Oui. Et il me dit, la reine Elisabeth. La couronne de reine qu'elle a, oui. Les diadèmes. Les diadèmes qui sont là-dessus. Il me dit, ce sont les ongles. Oui. Ce sont les ongles. C'est-à-dire que quand elle a sur la tête, elle est connectée avec tout le monde entier. Donc il m'a expliqué beaucoup de choses qui se passent sur le plan mystique, que oui. lorsque vous regardez même sur le plan physique, oui. c'est vraiment ce qui se passe. Oui. Après maintenant, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je ne sais même pas comment je peux expliquer. Explique ce que tu peux expliquer, frère. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mm-hmm. C'est après là qu'il me dit. Il me dit, tu as un très grand nom. Tu es un très grand serviteur de Dieu. Mais je vais te faire une promesse. Si tu acceptes ce que je te dis, tu te donnes le numéro. Demain matin, tu vas à la présence de la République. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas la bouche du pasteur qui parle ici. C'est qui est curieux. Mm-hmm. En fait, moi, je ne comprenais pas comment ça peut se faire. Comment, je ne sais pas. En fait, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu oui. voulait faire mm-hmm. En fait, quand il parle toutes ces choses. Et c'est là où il a cité le nom du pasteur dont tu as oui, parlé. Quand il me dit, bon, quand il me propose ce qu'il a à me proposer, j'ai dit non. Oui. Parce que je sais que dans tout ce que tu. Il me dit, j'ai l'argent, j'ai l'or, j'ai le pouvoir. Oui. C'est lui qui dit ça. Voilà. Il dit, je te donne tout ça. Sinon, je n'en ai pas besoin. Mmh. Parce que le don dont tu dis Dieu m'a donné, oui. il y a le pétrole dedans, oui. il y a l'argent, il y a l'uranium, mmh. il y a le manganèse. Tu dis que tu as là tout ça. J'ai déjà tout ça. Qui ne déplace plus. Donc, toutes ces choses-là sont à moi. Mmh. C'est là qu'il commence à secouer la tête. Il me dit, tu es intelligent. Tu es intelligent. Il me dit, tu vois tel passé, je dis oui. Il me dit, il est passé par moi pour être ce qu'il est. Tu connais tes chez lui, il est passé. Les têtes étaient déjà ce qui. En fait, il y a le pasteur Badiga, s'il faut citer. Il y a Pibi Gaëtan. Ils sont les qui sont les quelles dénominations? On connaît les dénominations. Ok. Il y a celui de Nazareth. Il s'appelle un peu comment? Là, il a dit que celui-là, son monceau est grave, quoi, moi, c'est mon enfer. Il dit ceux qui sont là-bas, mm-hmm. tous ceux qui partent là-bas, mm-hmm. partis seulement. Oui. Ça, il n'y a plus rien à faire. Oui. Il m'a parlé de Joktan. Joktan, c'est encore qui? C'est notre mère. Comme c'est Joktan, c'est un musicien. Non, c'est une fois, c'est une pour insulter Dieu. C'est vrai, il paye. L'église va à pied. Dieu ne se trouve pas à dire de mieux. Non, c'est tout pour que toutes ces choses. Là, il dit j'entends un peu quoi, il dit j'entends. Non, mais en fait, il fait la politique. Il me dit toutes ces personnes. Attends, c'est le monsieur dont vous avez dit que Dieu lui a dit que Dieu lui a dit qu'il sera président de la République. Après, il n'a pas gagné. Ils sont nombreux. C'est fort, j'entends. Oui. En fait, Dieu me dit toutes ces personnes-là, oui, tout ce qu'ils ont, oui, c'est-à-dire sur le plan physique, comme richesse, comme la gloire, c'est lui qui les a accordés. Oui. Et il me dit tous les pasteurs, oui, qui sont passés à la présidence de la République, oui, ont laissé leur onction. C'est terrible. Il dit tous. Ils sont sortis venir en papa au service de sécurité. Mm-hmm. Il dit tous ceux qui sont passés à la présidence de la République ont laissé leur onction. On a vendu le droit de messe. Voilà, parce que quand vous rentrez là-bas, vous ne sortez pas droit ballon. Ça, c'est clair. Et je suis resté, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Il y a vraiment, si pour raconter ça, parce que c'est à 6 heures du matin que j'ai eu sommeil. Donc pendant plus de 3 heures de temps. Pendant près de 3 heures de temps. Oui. Je n'ai pas dormi. Oui. Et après ça, j'ai appelé le pasteur. Ah, mais quand c'est coupé. Quand c'est fini. Oui, comment tu as fait ça? Oui. J'ai dit, mais tu sais ce qui s'est passé là? Lui-même, il ne se souvient plus de rien. Il ne se rappelle de rien. Oui. Il ne se souvient de rien. Et c'est bizarre parce que moi, j'étais 3 heures de temps à genoux. Oui. Plus de 3 heures de temps à genoux. Je n'ai pas senti le mal. Oui. Je me dis, mais c'est comment ça peut être possible? Et ça qui est là, aujourd'hui, il a posé la question. Après ça, sa fille, elle s'est calme. Oui. Quand je lui ai posé la question, il se souvenait de rien. Oui. J'ai donc dit à la fille, apporte le cahier. Bon, quand j'ai repris le cahier, je me suis rendu compte que elle ne notait même pas. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, elle n'a même pas noté parce que. Elle écoutait, c'était non seulement un peu rapide, mais quand elle ne maîtrisait pas, oui, je me suis rendu compte qu'elle n'a même pas véritablement copié ce qui s'est passé. Oui. Voilà. C'est pas facile. Il fallait le téléphone, évidemment. C'est là où j'ai donc fait asseoir, parce que je lui ai relaté, pas à pas, point par point, tout ce qui s'est passé. Oui. Bon, lui-même, il n'arrive pas à m'expliquer. Oui. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, véritablement, jusqu'aujourd'hui, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, d'après ce que le frère et la soeur disaient, que, en fait, je vois, je crois que Dieu a marqué un temps et le temps est venu, n'est-ce pas, où ce voile-là doit tomber les yeux des croyants. Amen. Maintenant, permettez-moi de dire que j'aimerais que vous continuez. Vous vous souvenez que le premier jour que je suis venu ici, je vous ai dit, quand nous sortions de l'aéroport, je vous ai dit que. Lorsque j'ai annoncé sur le site Bambaïba que je venais, on a fait presque 3 semaines ou 1 mois. J'étais en train de prier et je vous ai dit que c'est en venant que le Seigneur m'a montré que j'ai vu un jeune dans le pays qui dirigeait le pays. Et on manipulait par lui. Et les gens étaient comme téléguidés. Voilà, en blanc. Et puis j'ai dit que c'était comme téléguidés. Et le Seigneur a dit, passe dans la ville, fais quelque chose. J'ai fait quelque chose. Pendant que tu m'as porté de l'aéroport ici, j'ai fait des choses, mais vous ne savez pas dans la voiture. C'est ce qu'il vous a dit de faire cela. Il dit que cette chose, en faisant cela, ça va découper les choses, cette onde-là sur les gens qui savent téléguider au point où il dit, il y a un réveil qui allait se préparer sur le Gabon. Ouais. Et pendant que vous étiez en train de parler, quelque chose me revient encore. Voilà. Et pendant que je parlais au départ, oui, quand je vous disais que la voix du président sortait, je me dis, mais tu es déjà décidé, non? Oui. Mais tu fais quoi dans le corps de mon pasteur? De mon pasteur. Il me dit qui est décidé. Voilà. Je ne suis pas. Je dis, mais dans toutes les chaînes au monde, oui, on a vu comment on a pris ton corps de l'Espagne jusqu'ici. Oui. Et on est parti dans le haut de oui. Comment tu dis tu n'es pas décédé? C'est donc qui on est parti, même là-bas. Il me dit je ne suis pas mort. Voilà. Il me dit je suis dans mon bureau à la présidence. Voilà. Je lui dis quoi? C'est que votre président fait comment? Il me pose la question de savoir, tu sais pourquoi il y a une mosquée derrière la présidence? Je dis non. Il me dit il y a un tunnel entre la mosquée et la présidence. Et moi je fais dans les va-et-vient. Je lui dis mais tu étais musulman, non? Il dit quel musulman? Tout ça, c'était juste pour vous voir les yeux des gens. Amen. Mais sinon, les musulmans ne prient pas Dieu. C'est donc ce jour-là que je dis, Non, les musulmans ne sont pas Dieu. Non, les musulmans ne prient pas Dieu. Oui. Donc justement à côté de la présidence, justement, il y a le tunnel qui est à proximité de la présidence. Une mosquée, oui. Non, non, juste, y aller. Il y a à proximité quelque part après le parking là. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a le tunnel qui joue, entre la présidence et la mosquée. Oui. Et moi je fais des va-et-vient. Puisque je suis dans mon bureau, je fais des va-et-vient entre mon bureau et là. Et la mosquée. Ah. Il dit que les musulmans ne prient pas Dieu. Tu es musulman. Mais il me dit non. J'ai juste fait ça pour vous. Pour voiler les yeux. Pour voiler les yeux des gens. Mais sinon les musulmans ne prient pas. Dieu. Ils ne prient pas Dieu. C'était étonné. En un mot pour dire, je ne priais pas Allah. Dieu. Je dis, mais la plupart des Gabonais ça qui étaient chrétiens, qui étaient même dans le vrai, ont abandonné pour suivre le modèle du président. Pour suivre ton modèle. Ça, c'était pour les il me dit, c'est leur problème. Moi, je n'avais demandé à personne de me suivre. C'était pour les postes. Je n'ai demandé à personne de me suivre. Donc, chacun prend ses engagements. Oui. Sa responsabilité. Moi, je n'avais demandé à personne de me suivre. Oui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tu demandes même aux gens pourquoi vous islamisez. Il dit le président. Ils ne vont vous donner aucune raison. Voilà. Oui. Ils vont vous donner pour modèle le président. Mmh. En fait, je me suis posé la question, mais Seigneur, comment est-ce que cette chose-là peut se faire? C'est l'onction pharaonique qui se trouve dans votre présence. Et je l'ai donc dit. Au nom de Jésus, vous allez de la même manière. Avec ceux de l'Europe, vous avez renversé le Gabon, vous allez redresser le Gabon. Oui. Au nom de Jésus, je repositionnais le Gabon tel qu'il était. Oui. Au nom de Jésus, je vous ordonne. Oui. Vous allez redresser le Gabon tel que le Gabon était. Donc tu comprends maintenant pourquoi à la maison tu n'avais pas de paix, il fallait aller là-bas. Voilà. Il me dit, non. En tout cas, moi j'avais déjà dit aux Français, j'avais déjà dit aux Américains que l'espace va péter un jour. L'espace va péter un jour. Là, ce n'est pas un truc qui a été fait sur le plan physique. Ce n'est pas les traités physiques. Oui. Parce que ça veut dire que même les blancs sont les plus grands sorciers. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'ils sont dans les louges, les grands louges. En fait, quand je leur dis au nom de Jésus, vous allez rétablir le Gabon tel qu'il était. Oui. Parce que c'est quand je suis en train de parler que ça revient. On parle de changement. Il dit non, je me suis... En tout cas, moi j'avais déjà dit aux Français que l'histoire d'un jour ça va péter. Oui. En tout cas, venez, on va rétablir tel qu'il était. J'ai dit, tu attrapes la main de Lucien, vous attrapez les mains. Et ensemble, vous redressez le Gabon. C'est comme ça que il se met. Je vous avais dit non. Je vous avais dit. Vous les Français, les Américains, vous avez dit l'histoire là. Je vous avais dit qu'un jour ça va péter. Donc on a pris le droit de redresser le Gabon. Oui. C'est comme ça que ils ont redressé le Gabon. J'ai dit bon, ça ne suffit pas. Tout ce dont vous avez volé dans ce Gabon, vous allez restituer. J'ai dit, commençant par toi, le premier Gabonais. Oui. Tu restitues. C'est comme ça qu'ils ont restitué les frères. Ils donnaient même les noms. Oui. Ces blancs-là, ces Français, ces Américains-là donnaient même les noms. Oui. Oh, je restitue. Et en fait, ils sont restitués. Oui. J'ai dit, bon, toutes les portiques du Gabon que vous avez fermées, les 12 portiques, dont tu m'as dit au départ, il faudrait que vous puissiez les ouvrir. Oui. Et quand tu ouvres, tu me donnes la clé ici. Oui. Mais qui t'a inspiré, c'est que tu parles comme ça? Je ne sais pas. C'est la vision. J'ai dit, quand tu... Ici, c'est pas la vision, c'est physique, là. C'est physique. C'est pas dans la salle, c'est dans le sol. J'ai dit, quand tu ouvres, tu mets la clé ici. Oui. Tu ouvres la première portique. Oui. Tu me remets la clé. Tu me dis, c'est la portique. Tu donnes les noms. Oui. C'est comme ça qu'il ouvre. Oui. C'est comme ça qu'il ouvre. J'ai dit, mets la clé, il met. En fait... Comme tu regardes ta main, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais moi, je sais qu'il met. Oui. Il ouvre, il a fait premier, deuxième jusqu'à au 12. Oui. Il m'a mis la clé en main. Oui. J'ai pris les clés. Okay. En fait. Mais le frère savait quelque chose dans la vente comme ça, là. Il garde ça. Faut qu'il rentre au Cameroun comme ça. En fait, je lui dis, vous restituez tout. Vous le mettez le Cameroun tel que Dieu a voulu. A voulu. Mm-hmm. Parce que ici, ça, c'est le plan de Dieu maintenant qui va se matérialiser pour le Gabon. Nous sommes en 2010. Nous sommes en 2010. Oui. Et nous voici en 2007. Et voilà ça qui commence. Le réveil commence. Je dis bon, vous le mettez tout en ordre. Et il y a une autre partie, je ne me souviens pas vite. Bon, en fait, quand ils ont restitué, j'ai donc dit, c'est l'heure de libérer. C'est l'heure de libérer. Puisque vous êtes encore à l'intérieur du Gabon. Il est temps que vous sortiez pour que le plan de Dieu pour le Gabon se manifeste. C'est là il me dit non, je ne peux pas sortir, il faudrait que j'attrape la main de mon fils parce que lui aussi l'enfer parti. Quel est ses fils? L'actuel président. J'avais déjà dit l'histoire là, un jour ça va péter. ça va péter l'histoire là. Et il parle j'entends la voix du président. J'entends sa voix. Il me dit, on en vient. Il cite son nom. Il cite le nom de l'actuel. Oui. Il dit, viens, on va sortir. L'histoire là, je savais déjà que ça va péter. Ça va péter. C'est comme ça qu'il a pris sa main. Et ils sont sortis. Donc quand ils sont partis, je me suis remis à genoux. J'ai prié, prié. En fait, j'ai, comme recommandé, remis tout. Oui, entre les mains du Seigneur. Entre tout ce qui s'est passé, qu'il vient de prendre les clés. Voilà. J'ai remis tout. En fait, moi, j'ai dit que ça te posait pourquoi. Le premier jour, quand c'est arrivé là, il faisait un commentaire sur les arbres. On avait attaché les Gabonais sur un arbre avec un cabinet console. En fait, ça ne te rappelait pas. Tu avais quel sentiment parce que tu as dit un petit commentaire là, tu partais faire avec les sous, avec les dames et consoles. Oui. Mais toi-même, quand tu as vécu ça en 2010, tu ne te rappelles pas. Tu devant toi là, le premier jour là, comment ça s'appelle ça. Qu'est-ce que tu as ressenti? En fait, tu étais où? En fait, lorsque le frère Julien a commencé. Le premier, le type, il peut être journaliste. Vas-y, oui. En fait, lorsque le frère Julien a commencé à parler, oui. D'abord le premier jour qu'on s'est réunis là, oui. Lorsque tu as commencé à parler, en fait, je pouvais vite comprendre ces choses. Oui. Je pouvais très vite comprendre ces choses, puisque non seulement moi aussi je suis avocat, oui. N'est-ce pas? Accompagner plusieurs personnes pour faire ces choses-là, je pouvais bien comprendre. Mais l'événement que tu relates, ça ne t'est pas revenu? Non. Je n'avais même pas pensé à cela. En fait, je n'avais pas ça en tête. C'est tout de suite entre la frère, la soeur et le frère. Ça a déclenché. Ça a déclenché. En fait, je ne sais même pas pourquoi. Bon, c'est peut-être Dieu qui a voulu. Qui a voulu que cela puisse se faire. Donc, en fait, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose en moi qu'il fallait que ça sorte. Et tout à l'heure, tu as dit que tu voulais garder encore. Mais souvenez-vous d'abord de votre présent. Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le moment viendra où vous l'allez sanctionnera, il le fera. J'ai toujours dit Gabonais, nous le sommes, Gabonais, nous le resterons. Pensons à notre jeunesse. C'est ce qu'il a dit dans son discours. C'est un mea culpa. C'est une tentative sortie pour dire il a échoué. Il passe le bâton de commandement aux générations suivantes. Il se retire devant le Seigneur. Quel est votre sentiment maintenant avec ceci? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, oui, il n'y avait pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ainsi par le Seigneur. Le réveil arrive au Gabon. Ce n'est pas le réveil seulement dans l'église, dans tous les secteurs. Tous les secteurs. C'est un peu comme les gens qui étaient à la discuter, souvent on fait boum boum. Vous savez quand on coupe la lumière et que la lumière est coupée dans beaucoup de quartiers. Pour longtemps, vous aspirez, excusez-moi, quand on a bam, boum, il y a une joie inouïe et un cri spontané. Le Gabon sera libéré. Amen. Le réveil arrive. Amen. Oui. Comme chose, c'est passé par quelque chose. Bon, je ne peux pas dire. C'est ça. Encore, c'était 5 minutes qu'on avait prié à chacun. Dans les 5 minutes, c'est passé. Oui. Bon, en fait, j'avais à parler de ça une fois au frère. J'avais aussi envie de vous parler de ça, mais nous ne sommes pas prêts. Bon, c'est le temps. Mais moi, je suis étonné de lui quand il parle chaque fois, il n'entend rien. J'ai dit, j'avais déjà parlé de ça une fois avec le frère Dimitri. Oui. Je voulais aussi vous parler de ça une fois là, mais bon, j'avais oublié. Bon, en fait, c'était une fois quand je priais encore à Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi maintenant? Tu t'as joué à la même. À Jérusalem, où est-ce ici? Wonderful. Pentecôte. Il y a le Congo. Il y a deux gens de Pentecôte ici. C'est le PKW. Allons-y, mon frère. C'était pendant une réunion de prière. C'était vers 18h comme ça. Oui. Comme ça, on s'est. En fait, il avait donné un sujet de prière. Comme ça, on s'est mis à prier. Donc, tout le monde avait les yeux fermés. Et c'est comme ça que, en priant, je ne sais pas, bon, j'ai ouvert les yeux. Oui. En ouvrant les yeux, j'ai vu là où le pasteur était, c'est-à-dire sur le podium. Oui. J'ai vu un rat. Tu vois, j'ai vu un gros rat. Un gros rat. Mais le rat là, bon, en fait, j'étais un peu surpris de moi. Au lieu de prier, tu as ouvert le rat. Tu me l'as dit, tu as dit, c'est le rat. Je ne savais pas, parce que les portes d'abord étaient fermées. Oui. Donc, je ne voyais pas là où le rat, il est entré ou bien. En fait, je ne savais pas de quelle façon on aura pu faire pour rentrer oui. dans l'église, en fait. Oui. Et non seulement ça, il s'est trouvé les gens sur le podium. Oui, un gros rat, un gros rat. Oui, un rat, il était quand même assez... Mais c'est comme ça, sur le coup, j'ai arrêté de prier, je regardais le rang en question. Il a d'abord fait un tour. Et le pasteur, lui, il était à ce moment-là. Le pasteur était en train de prier, il était au Seigneur. Il était, le sac était derrière lui un peu. Oui, voilà. Il était descendu un peu. Oui. Donc, on aurait été plus par le mur. Donc, on était là, ils étaient en train de prier, mais moi, j'ai regardé les faits et gestes du et tout. Mmh. Et après quelques temps, il est allé au niveau de la prise. Oui. Ouais. Dès qu'il est arrivé au niveau de la prise, tout d'un coup, il a disparu. Oui. C'est comme ça que j'ai dit, bon, j'étais un peu, je me suis beaucoup. Moi, dans ma tête, je disais, ah, les prières là, vraiment, les démons sont vraiment. Tu es sorti. Oui, oui. Bon, je ne comprenais toujours pas. Mais après, je disais, bon, peut-être si c'est vraiment un rat normal. Je vais voir après le culte, on va peut-être voir un trou, là je pourrais dire que voilà, si c'est un rat normal. Oui. Mais alors, une fois la prière finie, je suis allé jusqu'au podium, j'ai touché, bon peut-être, j'ai essayé de voir le frère Daniel, oui. J'essaie un peu de l'expliquer et tout, il me dit non, il n'y a pas de trou. J'ai dit, ah, mais forcément il y a un trou, parce qu'il y a un rat qui est parti. Mais non, c'est moi ça. Quand on rentre, ça n'a même pas fait une minute comme ça, là, une coupure. Oui. Donc, il y a déjà dans le noir. Oui. Mais là, tu l'avais la prise. Mmh. Il a disparu. Quelques minutes, quelques secondes après, coupure. Mmh. Et moi, je n'arrivais plus à prier. J'étais déjà là, j'ai regardé toujours le niveau. Et c'est comme ça que quand l'église, quand on a terminé, je suis allé, on a essayé de voir, mais il n'y avait pas de trou. Oui. Pour moi, je ne sais pas, au fait, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Pour moi, je me dis peut-être c'est. Les esprits, bon, un esprit qui a fait ça. Tu n'as pas dit, tu n'as pas dit au pasteur. Je ne l'ai pas dit. J'ai juste dit au frère. Oui. Mais il ne croyait pas. Parce que, bon, déjà même avec le frère, quand j'ai dit ma parole, donc oui. J'ai décidé de regarder ça comme ça. Ok, maintenant, avec le recul, toi, tu penses que c'était le rat de qui? Les rats disparaissent dans le mur, mon frère. Pour moi, j'ai dit non, c'était un esprit de quelqu'un, ou peut-être un démon, puisqu'on était la prière de délivrance, pour moi, j'ai peut-être vu ça comme ça. Oui. Ah, au Gabon, c'est fort. Donc, mais Pharaon va quitter le Gabon. Pharaon va quitter le Gabon. Il a fait ses bagages. Oui, il fait ses bagages. Il n'a pas le choix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenons 2 minutes et on revient. Je vais pas oublier.